Toujours en Corée, l'exposition nationale des articles de consommation courante 3 août a commencé le 3 au grand magasin numéro 2 de Pyongyang. Y sont exposés plus de 130 000 articles d'usage courant de plus de 1200 genres, y compris les habits, ustensiles d'usage domestique et denrées alimentaires produits par les usines, entreprises et équipes de travail à domicile, etc., en mobilisant les réserves potentielles et les possibilités.